Et on laisse la place à Epsilonia. Voilà. Bye bye. Salut Lord. Good evening. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Vous êtes avec nous, Epsilonia, sur Radio Liberté, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. De Radio Libertaire 89.4. C'est Epsilonia. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia. Growing up, mind your tongue, something to come on down, to come on down, the ball down in the summer of life, to come on down. Come on down, baby, no more mind your tongue, flame. Baby, no more mind your tongue, on down. Baby, no more mind your tongue, on rain. Baby, no more mind your tongue, on rain. Baby, no more mind. Maybe to the end, you got the new ties. The wind and you're gonna see your waves. The wind and you're gonna spin in your wings. The wind and you're gonna steal what you waste. Riding on you and you to count out two ways. Waiting on you and you to see your ways. Waiting on you but you the wind on two ways. Waiting on you and you to count to take out the rain and wine. They need to count on you to see what I can do. They need to wait on you to see what ways. We need to make it need to wait to see ways. We need to make it need to wait your ways. The way you rouse, the way you come away. We announce, the way you now ways. We need to count our ways. We need to wait our ways. We need to make our ways. We need to make our way with the winner. I just see the winner. I'm just gonna win her. Make it to the winner. This is winner. We get the honor to it. We get to see the way. We get the honor to it. We need to know. Now you do the honor to the winner. We get the letter to it. We can do the winner. We need to see the letter right to the winner. We get the winner to the way to you can see it. Waiting on who the new color to. Waste. Waking on you, I knew the way you lost. わけのみを見る Golden Twilight、 わけのみを見る Golden Light、 Golden Light to see way what you do、 The games of night and everywhere will lie、 It's a big and ever on your down way、 It's a big and ever on my way、 Long you down, you've been in love. You never find your way down on the way. The long you down, but in the trouble mind. The long you down, but in the rubber. No wonder the love won't buy you. The long buy you, the love won't buy you. The line you down, you've been in the wrong way.The eyes of me can light you the oath. The wings of night can need to see it. The eyes of me can never run into a baby way. You can light up your dark and you do. And then you do come so. To get it right, to get you touch, you can't unite to be away. Can't you do that, could you just say it your way, could you? The vibe of the zone. Then in the long way to hit the mobile.Baby, the violin is wrong, why do you? Baby, the violin is wrong, I beg you. Crazy ways, baby, you gotta be the crazy ways. Baby, the lady, do the crazy ways. Baby, you gotta be the way you wake up, wait. Waking up, you want to do the lady, do the crazy ways. And I get it, away, boyRiding on you, on you, the cold, the dark way. Riding your naked in the narrow ways. It's a race. When you don't count on you, it's a race. When you don't win on you, it's a race. When you don't win on you, the cold, we got it down. And it comes so, it is your own way. It becomes a lot, it is your turn wrong. Take your power to the world. It is all to us, it is all for God. It is all to the age.No reason you can ever love you, night and dinner. When ever lot of you look all the ways. No reason I can ever love you, moon. No reason I can ever win your ways. But if you're gonna be the dark with me, and if you're gonna be the waking ways, and if you're gonna be the way your ways, and if you're gonna be the girl of you, you're gonna be stuck, be stuck, be stuck You read on the wrong way. We don't know why don't you read on the wrong way. We can't find some constant. You catch a bit of life. Be so loud. Peace be told. In the kitchen of death. In the kitchen of all. Sit down on the bed. The best life. Sit down on the stairs. In the kitchen of all. The gentle bed. The bomb. The chaos tonight. In the city of the bed. In the clouds of day. The seas of rainWhen a newborn little light come, little way go. When you see your little eye, when you break his little mind. When a newborn little light come, little rise from the wake of eyes. And a licking did a wish of eyes. And a licking night long little eyes. Then rather did a wake of little brainWaking the night eyes. When you don't know why, I can't Il n'y a qu'un anneau de clous. Little blue eyes, when you don't always, I'm in my cabin on the window. Little red rose, little red new born of his, little red rose, little when I move on to the night and white. Top in the dance, you know the first time. Breaking up the dance, he's not a recall. Give me the recall to the right, give me the recall to the left. So, let's go. Raise your colors, let a mirror all of this. There's a little rise, little maker, little ways. Why little new one, little lies? Why can't you want little lies? Why do you don't new one, little ways? Little new one, little ways. Why little new one, little ways? Why little move on new one, like a little white, cause little white. Why you see the light, can't let a white, little white, little white, you want it, little maker, no. Why you need a new moon, little white? Why can I move on you when I can get away? Something like it, little white. When I can get away from this world. When I can see one night away. When you wait, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, c'est Epsilonia. Nous commençons avec une précision suisse, cette édition d'Epsilonia, donc un tout petit peu de retard. Ce soir, donc, je serai à la technique et Xavier dans les studios. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Une soirée un peu spéciale, on a des invités helvétiques qui ne sont pas à l'heure pour nous faire mentir, voilà. Donc, alors, nous accueillons ce soir pour plusieurs lives et pour un début de tour, le Wake Up Tour des musiciens suisses, le duo Overlord Collapse, un duo de Nico et Nico, et un second groupe Tokage, j'espère que j'ai bien prononcé, et c'est Yann. Ils sont accompagnés aussi pour ce tour de Ricardo et de Sarah, qui sont cinéastes, qui travaillent la pellicule en direct, apparemment. Ils vont nous expliquer tout cela. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, on prendra l'antenne avec là, eux. Là, ça se prépare, il y a des fils partout, c'est un joyeux bordel, c'est très bien. Ça se met en place gentiment. On a commencé avec quelqu'un deux nouveautés. On a une seule nouveauté pour le moment, c'est Damo. Ah oui, c'est vrai que je vais plus vite que la machine, parce que j'ai calé une autre nouveauté, c'est pour ça, qui nous vient d'Italie, de Wallace Records. Attends, on l'a pas présenté. Là, pour le moment, ce qu'on entend en fond et ce qui a débuté, c'est voilà, Damo, c'est Suzuki Network. C'est le Damo Suzuki Network italien. Donc, Damo Suzuki, on le fait brièvement, mais chanteur de Cannes dans les années 70 et qui a repris, après une longue pause, la musique. Damo Suzuki Network, il a un groupe différent dans chaque pays. Il improvise à chaque fois avec des musiciens qu'il ne connaît d'ailleurs pas forcément. Mais là, en l'occurrence, il commence à les connaître. Hein, ceux-là, il les connaît. C'est le network italien. Ils sont quelques-uns. Tu peux nous les présenter un petit peu? Oui, il y a Xabier Hiriondo qu'on a invité moult fois, qu'on a pu entendre la musique plusieurs fois. On a pu l'entendre en live. Mattia Coletti qui était en en live il y a encore 3 semaines à la guitare. Andrea Belfi à l'électronique et Diego Sapignoli, que je connais pas, à la batterie. On va enchaîner avec une autre nouveauté de chez Wallace, et encore Xabier Iriondo, accompagné de Roberto Bertacchini, qui joue dans le Ostrot. Parce que le Damo Suzuki, là, il est sorti chez Wallace Records. Voilà, c'est que d'accord. Du Wallace que je t'amène, en fait. Ok. Et c'est le nouveau Shipwreck Back Show. Ils avaient sorti un petit CD, un mini-CD, et voilà, ils arrivent avec un nouveau disque qui s'appelle Il Tempo Tra le Nostre Mani Scoppia. Et ben tout un j'ai regardé voilà, la traduction, et c'est assez marrant, mais je vous le dirai plus tard. Bon, donc c'est quoi, table guitare, guitare préparée, et puis voix, poésie, voilà. Comment tu peux nous redire le nom du groupe? Shipwreck Back Show. Radio Libertaire 89.4, c'est Epsilonia. On quitte l'Italie, on quitte Wallace Record pour aller à Moscou sur Clinical Archive. Clinical Archive, le net label, vient de sortir sa 244e production. The Outsiders, le groupe, c'est un trio, Knyaz Mishkin, trio d'improvisation orienté free jazz. Ils viennent de Minsk. Minsk, donc, qui est la capitale de la Biélorussie. Trio d'improvisation, jazz rock, free jazz, mais très, très, très baba aussi sur les bords. Ça vient de sortir. C'est la, donc, toute dernière sortie de Clinical Archive. Knyaz Mishkin. Et le titre qu'on va écouter, Fragment Lumu 1. Thank you. Voilà, c'était l'extrait le plus bas de cet album. Donc sur Clinical Archive, librement téléchargeable. Donc le label russe, également librement téléchargeable. Cendre et poudre, c'est la dernière production de d'Incise. Je vous propose d'écouter Lire les vieilles pierres. Libertaire 89.4, on reste avec Cendre et Poudre, la dernière production de d'Incise, La patience des limules maintenant. Et dans 5 petites minutes, ça sera de la musique live en direct des studios de Radio Libertaire. Vous êtes toujours à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire 89.4. Un numéro pour nous joindre, le 01 43 71 89 40. Un site epsilonia.free.fr et puis le MySpace. C'est l'heure du live. On va commencer avec le duo Overlord Collapse, Nico et Nico. On se retrouve dans une dizaine de minutes et on parlera après la musique. Thank you. Ça y est, bravo. Ça y est, le Wake Up Tour est parti. Oui, il est enfin parti, le Wake Up Tour. Officiellement. Officiellement. Donc, Overlord Collapse, Nico et Nico. Donc, là, je vais appeler Nico là et Nico ici. Voilà. Donc, Nico là. C'est moi. C'est toi. Tu joues aussi sous le nom de Trois Petits Points. Ça se prononce ou ça s'écrit seulement, en fait? Alors, c'est plutôt dans le genre idéogramme, donc ça peut avoir plusieurs significations. Et l'avantage, c'est que c'est international, donc chacun le dit comme il veut. D'accord. Libre à vous. D'accord. Nico ici. Donc, toi, ton projet, c'est avec Nico là? En tant que Valor Collapse à deux. D'accord. Ou en tant que Valor Collapse solo, lui ou moi. Ah, ça peut être solo, en fait. Ouais, aussi, ouais. Parce que vous jouez sous différentes formes, en fait. C'est géométrie variable, mais que entre nous. D'accord. Voilà. C'est une géométrie variable entre copains, entre Nico. Ouais. En fait, exclusivement ouais. Entre Nico. Entre, ouais, c'est une secte, en fait. D'accord. Ouais. Ouais. Tant pis pour les autres, quoi. Voilà. Et donc, ce soir, c'est le coup d'envoi d'une tournée. Demain, vous êtes à Lyon et après, vous partez au Japon. Ouais. Vous pouvez nous décrire un petit peu vos c'est, activités. C'est le grand saut, là. C'est de Lyon à Tokyo. C'est. Oui, vous c'est vrai. Vous évitez beaucoup de pays. Vous êtes recherché dans d'autres pays. Ouais, non, c'est vrai que ça peut paraître un bond un peu bizarre dans le cadre d'une tournée, mais les choses se sont construites un peu d'elles-mêmes selon les plans qu'on avait. Oui, il y a un point d'ancrage et. Et puis c'est vrai qu'on a un petit peu de peine avec ne pas prendre l'avion. En fait, on adore ça. D'accord. Prendre longtemps l'avion. D'accord. Traverser les océans. Et... Bon, là, en l'occurrence, on ne traverse pas, mais c'est pas d'accord. Là, votre principe, en fait, c'est vous jouez avec des ordinateurs, voilà. Sur des feedbacks. Ouais, vous pouvez nous décrire un petit peu, parce que c'est pour les gens, toi, ils pourraient croire que c'est fait de différentes manières. Ouais. Je te laisse la parole, peut-être. C'est de l'improvisation, c'est comment ça se passe. On sent qu'il y a beaucoup de jeux entre vous, des regards et beaucoup de choses. Bien sûr, pour parler de l'aspect que technique déjà. En fait, on utilise le principe du feedback, donc du Larsen, c'est-à-dire une boucle qui tourne entre l'endroit ou le moment où sort le son. Et en fait, il re-rentre, donc a priori, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Normalement, on apprend à ne pas le faire. Mais nous, on base vraiment nos sons que sur le Larsen interne. Donc là, en l'occurrence, on utilise un logiciel d'informatique qui est modulable à souhait. En fait, on peut construire soi-même son environnement. Et donc, on a un Larsen interne qui se fait dans le programme, plus encore avec la table de mixage et avec les equalizers, donc les aigus, les médiums, les basses. On arrive comme ça à travailler les différentes hauteurs de son. Ouais. Et donc, Overlord Collapse, c'est toujours de l'improvisation. D'accord. On se base sur une idée à la base, on prend une source et après on va qu'elle soit nôtre ou pas, et ensuite on va de toute façon à chaque fois recréer quelque chose de neuf. D'accord. Et essayer de vraiment être un état d'esprit, c'est un timbre différent à chaque concert. Exactement. Ouais. Ça dépend de la sono, ça dépend de nous. Mais je trouve que c'est une noise assez assez douce. Je sais pas comment décrire ça. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est parce qu'elle est très numérique, mais elle me fait pas mal aux oreilles, parce que j'ai écouté plein de choses. Oui, peut-être on l'avait écouté, mais non, mais ça m'a pas. Oui, elle va pas plus fort. C'est une histoire de. Il y a Ricardo sur ma droite qui n'a pas de micro. Il peut s'approcher. Il y a Ricardo qui a envie de parler. Qui fait partie du Wake Up Tour aussi. Oui, c'est notre co-cinéaste star. Et à la droite de Ricardo, il y a Sarah. Il y a Sarah qui pour l'instant prend fait des photos. Un shooting, qui voilà. Oui, ça m'a pas paru quoi. Oui, mais c'est vrai que peut-être le spectre digital, il est un peu plus comment dire. Digeste. Pas plus digeste, mais peut-être un peu moins riche. Il a moins de peut-être moins tendance à partir dans des créations d'harmoniques que le matériel analogique a tendance à faire. Puis, mais en live, je pense particulièrement dans les fréquences aiguës, on atteint quand même. quelque chose. En même temps, c'est vrai que c'est Overwood Collapse, ça porte bien son nom dans le sens où c'est une surcharge qui s'évanouit. Et donc là, on surcharge l'ordinateur d'informations entre le traitement analogique, le traitement numérique. Jusqu'à ce qu'il sature. Et jusqu'à ce qu'il sature et qu'en fait le programme plante. Quoi. On joue sur tous les domaines de la saturation en fait. Ouais. Exactement. Sauf la grosse disto habituelle de la Arch Noise par exemple. Ouais, voilà, il n'y a pas le côté, ce que je disais, il n'y a pas le côté. C'est propre. Voilà. Ça reste propre. Et surtout le défi pour nous en live, donc vu que c'est de l'improvisation, le côté prise de risque, c'est que le patch il est très volatile, donc il pourrait très bien s'arrêter au bout de 2 minutes. C'est gênant en solo. Donc ça nécessite c'est une prise de risque. Ça nécessite un petit entraînement quand même. Par moment, il y a un petit côté aussi games, quoi. Il y a un petit côté jeu électronique aussi. J'avais l'impression d'entendre. Voilà, c'est aussi. On n'est pas de la même génération, je déconne. Mais il y a un côté j'ai 140 ans et en fait il y a un côté un peu course automobile par moment, il y a un circuit, complètement voilà. Et puis aussi on se laisse aller par le son et vu qu'on est deux, on joue un peu sur les voilà, sur une espèce regards, de, et du coup ça donne une espèce de course poursuite entre voilà, exactement, deux. Ouais. C'était assez drôle. Je vais me permettre une analogie qui est peut-être un petit peu stupide, mais nous on a fait du skateboard étant jeune, puis on skate. Moi aussi, hein. Alors, j'ai connu le début du skateboard. Ok, alors j'ai un skateboard en plastique déjà du freestyle. Ah ok, en plastique. Ouais. Ouais, ils étaient pas très monstres. Ouais, je me suis fait des feuilles plantades. Ouais. Ouais. Ouais. Pourtant c'est plat. Avec les roues super larges et super plates. Mais en fait c'est vrai qu'en skate il y a toujours ce défi de faire donc avec ses potes de faire une figure que l'autre essaye de le faire, de faire du freestyle, de créer finalement avec ce qu'on a sous les mains. Puis finalement la noise c'est un peu ça, c'est on crée avec le bruit qu'on a sous les mains. Au tout début on faisait beaucoup de samples, de travailler avec des micros, etc. Bon, le projet Overwood Collapse on l'a vraiment concentré digital, mais c'est un peu du freestyle finalement musical. Donc c'est vrai que c'est de l'improvisation, mais moi je le vois personnellement comme du freestyle. D'accord. Sportif. Est-ce que vous êtes prêt à nous rejouer quelque chose? Parce que ouais, j'ai un morceau. Tokage qui se prépare, Yann. Prends le temps. Qui prend son temps, il a raison. Exactement. Ouais. Lui, il a une autre type d'installation, on en parlera peut-être plus tard. C'est de l'analogique. C'est l'analogique, c'est beaucoup plus long à installer. Il a même un problème de prise, et heureusement, ses amis ont amené une multiprise. Suisse. Donc là, on écouterait. Le côté solo de Nicolas ici alors. Voilà, Nico ici. Nico ici, pardon. Voilà, exactement. Nico ici. Et... Nicolas Fasnacht, pour être précis. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit morceau. On a 12 petites minutes. Un petit peu plus calme et un petit peu plus travaillé. Bon. C'est-à-dire que là, tu vas travailler sur l'ordinateur, mais il y a une part d'improvisation ou tu joues. Je vais vous présenter un morceau. D'accord. Très bien. Ça vous va? Très bien. Terminé, propre, nickel. On l'écoute alors. C'est parti. 89.4 Radio Libertaire. On écoutait Nico qui est à ma gauche. Voilà, Nico aussi. C'est la face cachée. Voilà, ça c'est le côté un peu plus intimiste et un peu plus dark. C'est assez calme. Oui. C'est Jérôme, j'ai un écho. Tu m'entends l'écho ? Il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus d'écho, voilà. Oui, c'est le... Le calme après la tempête. C'est le calme après la tempête. Ouais. C'est du field recording. Exactement, ouais. C'est de la reprise de BO de film, qu'on va pas citer. Et, illégal. Voilà, copyleft à fond, parce que voilà, musique pour musiciens. Ouais. Je crois qu'on est tous libres. Ouais. Oui, il y a plusieurs, de toute façon, il y a copyleft, il y a les Creative Commons aussi. Aussi, ouais. Voilà. Tout ça se développe, qu'on puisse choisir. Qu'on le veuille ou non, protéger ses œuvres, voilà. Savoir si on peut les donner, les prêter à des fins non commerciales. À fond. Il y a plein de choses Choisir, avoir le choix, pour une fois. All rights reserved. Tu me disais, comme ça, hors antenne, je te demandais si tu avais des disques, et tu me dis non, nous, on n'est pas tellement production, on est plutôt live. Ouais, dans le sens où écouter un CD sur ta sono à la maison, de Overload Collapse, c'est un peu dommage. Faut venir le voir, quoi. C'est tout. Nous, on met vraiment l'accent sur les lives, dans le sens où c'est une expérience physique et sonore. Et du coup, le CD, c'est un peu désuet, je dirais. D'accord. À côté. Parce après, ça peut être bien aussi, mais... En même temps, c'est pas une performance au sens physique du terme. En live? Oui. Physique. Qui est auditive, si. Mais... Si, sauf que malheureusement, en Suisse, on a des lois qui ne permettent pas d'aller en dessus de 93 dB, apparemment. Et, Je traduis, hein, 93. Ah oui, 93, pardon, dB. Et, Non, mais j'adore. Ouais, au moins, helvétique, quoi. Hein. On est honnête. Et du coup, voilà, tu vois, en Suisse, ça reste un concert. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait une tournée aussi au Japon. C'est qu'on est un petit peu plus libre là-bas et on va pouvoir tester. Monter jusqu'à, jusqu'à 120. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais, sur 15 minutes, ça va. Mmh. Puis peut-être qu'on fera 20. Oui, 30, le tout, c'est que les gens soient prévenus et qu'ils prennent leurs précautions. Bien sûr, hein, on sortait couverts. Voilà. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Donc pas de disque, pas de label alors? Non. D'accord. Autoprod, à part un net label qui est là depuis la quatrième année maintenant. Troisième? Quatrième. Quatrième. Ouais. Merge.ch, M-E-R-J.ch. Petit net label en fait qu'on a fondé à la base pour se promouvoir, quoi. Se promouvoir soi-même dans le sens DIY, do it yourself, dans le sens où on n'avait pas envie de faire partie non plus de entreprise ou de boîte existante déjà et de donc du coup s'affilier à une image qui existe déjà. Et comme on est trop jeune, de toute façon, voilà, tu vois. Je pense aussi on est très versatile. Ouais. Demain, ouais. On pourrait faire de la house, parce qu'on en a. Pas de soucis. D'ailleurs, j'ai un morceau là. Tu veux un peu de. J'ai de la minimale aussi, si jamais. J'ai fait il y a pas longtemps, là. Je passe un peu sur Reason. Le Wake Up Tour, donc, c'est Overload Collapse. Mais en fait, vous allez jouer tous ensemble avec Tokage. Non, enfin, alors en fait, donc Tokage. Tokage, pardon. Oui, voilà. Donc il expliquera pour plus tard pourquoi. Mais donc c'est un ami de longue date, musicien. On aime beaucoup son travail. Puis ben, c'est vrai que nous, on a eu la chance déjà d'être invités à l'émission radio. Et le hasard a fait qu'on était invités à une soirée à Tokyo en fait le 29 avril. Alors du coup, on s'est dit entre ces deux dates, on va essayer de monter un petit tour. Et puis ben là, il y a Tokage qui a réussi à se greffer avec son emploi du temps aussi sur le projet. Et puis la cerise sur le gâteau, on a réussi à avoir deux cinéastes avec nous. Donc Ricardo et Sarah qui travaillent donc en performance du 16 mm, du Super 8, du 35 si c'est possible dans les salles. D'accord. Énormément de choses et voilà. D'accord. C'est-à-dire, Ricardo Ossara, vous travaillez des projecteurs, là? Non, là, pas. On a demandé à les avoir. D'accord. Ah, pas bête. Parce que dans l'avion... Ça aide. C'est un peu lourd quand même. Hein. Donc en fait, c'est un projet en commun. C'est parce que je vois, j'ai vu sur votre MySpace Sin & Noise. Donc oui. Je voulais savoir un peu comment ça se passait. C'est-à-dire, c'est quoi les comment. Vous jouez tous en même temps ou c'est en différentes parties? Dans le cadre du tour, en tout cas au niveau musical, on est généralement plutôt Nico et moi, donc Overload. Ouais. Yann présente son solo en tant que Tokage. Mais il y a 2-3 soirées, on va jouer ensemble parce que on nous l'a demandé ou parce que ça, question de timing, ça jouait pas pour deux groupes. Donc, mais en parallèle, on a déjà joué ensemble plusieurs fois. On a déjà collaboré aussi avec Ricardo, mais on fait beaucoup ça en Suisse. En fait, on essaie de travailler un peu dans un petit, enfin, on travaille entre nous, quoi, en fait. D'accord. Votre base, c'est le cinéma hublot, en fait. Le cinéma hublot, on dirait que ça, c'est Ricardo et Sarah. Donc ça, faudra parler avec Yann eux. Aussi. Et Yann, oui, bien sûr. Pour la partie musique, mais non, en fait, Ricardo nous a trouvé un jour sur internet. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et depuis, on a fait pas mal d'activisme en Suisse. Ça nous arrivait pas souvent, mais on est sorti 2-3 fois dans la rue avec des projos, des amplis guitares, et puis on se branchait sur les décorations de Noël, des choses comme ça. Squatter l'électricité, elle est gratuite à ce moment-là. Profiter un peu. Ah, il y a des rallonges partout en ville. On a aussi essayé de tester la fête de la musique, voir si c'était aussi libre que ce qu'ils prétendent. Et on peut dire que non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus. Depuis la première, en fait. Vous vous êtes fait chasser parfois? Enfin, il y a eu. La police est venue. Ouais, complètement. La première fois, je crois que. Donc, c'était dans le cadre de la fête de la musique, j'insiste. Il y a un monsieur qui est arrivé, il nous a dit, je sais pas ce que vous êtes en train d'essayer de faire, mais en tout cas ça dérange les gens sur la terrasse. Ça faisait peut-être 3-4 minutes qu'on avait commencé. C'est bon ça. Et une autre fois, un homme, je pense un patron de bar ou quelqu'un qui travaille dans un bar voisin, dans une autre ruelle, qui est descendu puis qui a dit ça fait trop de bruit, ça résonne, voilà. Alors qu'en contrepartie, quand on a fait ça à Nouvel An, des gens sont venus nous serrer la main en disant qu'ils trouvaient ça super fantastique. Et on a même reçu un cachet. On s'est fait payer hors cadre. Voilà, à minuit, donc tu vois, heure où tu laisses tomber pour faire du bruit en Suisse. On est d'accord. Hein, partout, je pense. Un peu partout aussi, mais disons que les plaintes vont un petit peu plus vite, peut-être. Voilà. Enfin bref. Dieu. Mais on s'est quand même, on a eu un petit coup de main, 20 balles comme ça. D'un mec qui appréciait, quoi. Donc pour dire le contraste, et puis bah voilà, donc après bah le cinéma au bleu, on a rencontré Ricardo, après on a rencontré Sarah et puis c'est vrai que ben puis Yann, donc du coup on collabore, mais pas forcément dans le cadre du cinéma parce que les gens sinon je pense qu'ils en ont marre de voir notre gueule là, tous les jours. Trop de bruit. Ça fait après DJ Noise résident, donc c'est pas une bonne chose. Mais c'est vrai qu'autrement, à part ça, on essaie d'avoir de plus en plus de projets en commun, quoi. Et une petite question à Ricardo et Sarah. Plutôt Ricardo, Sarah n'a pas envie de parler, c'est son droit. Vous travaillez la pellicule comment, en fait quoi, tu peux expliquer un peu votre travail? C'est avec des projecteurs, vous bougez les projecteurs, c'est un peu comme un peu la cellule Metamkin, tu connais ça? Oui, oui. Ouais. Oui, c'est un peu dans cette idée-là. Alors, c'est du travail sur pellicule trouvée. Oui. Donc, c'est des vieux films, c'est des vieilles séquences qui après sont travaillées chimiquement, physiquement, en live ou déjà un peu préparé avant et jusqu'aux limites du support. Et donc c'est une destruction programmée et systématique du support si le lieu est <c'est> des archives qui des fois sont juste impossibles à retrouver. Hein. D'accord. Il y a eu des pièces rares. Justement, il y en aura encore. Vous donnez en fait une dernière chance à ces pellicules, en fait. C'est un peu le cri du cygne du celluloïde, littéralement. Ah, d'accord. Et donc tout ça avec la musique en même temps. Ou parfois c'est juste. Oui, c'est, non, là c'est vraiment musique. Avec musique, c'est aussi après une question de sentir la musique, de créer un dialogue visuel et musical avec les différents gens. enfin les différentes personnes qui jouent, d'où et le... puis d'interagir. D'où la définition ciné noise en fait, dans le sens oui. saturation de l'image, saturation destruction. Mais c'est pas une saturation qui s'ajoute, c'est enfin, bien qu'il y a peut-être aussi un peu de ça, parce qu'il y a aussi du travail après en peinture ou des choses comme ça, de rajout, mais c'est principalement par soustraction. C'est du travail d'enlever ou de déconstruire. C'est par le vide, en fait. C'est par le vide, ouais. D'accord. Ce qui, en même temps, rejoint bien la musique, vu que je pense que la musique va justement en contradiction ou on va en addition. D'accord. En rajoutant des couches, en étant plusieurs musiciens. C'est intéressant de commencer avec une image pleine qui se détériore. Et puis... C'est et un peu simplifié parce que un c'est un plein. Peu plus complexe. Mais... Ouais. Ouais. Nicolas. C'est moi. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais quelque chose à nous faire écouter. Voilà. En fait, ce sera un petit peu plus long que ce que j'avais annoncé hors antenne. Voilà. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oui. Ah, alors c'est quoi, c'est un morceau que tu as déjà enregistré ou c'est alors, c'est une trame que tu Non, c'est alors donc c'est un peu je fais un petit peu un petit cadeau parce que c'est un projet que j'ai depuis on va dire depuis quelques mois, même plusieurs années, mais ça fait quelques mois que je travaille sur ce morceau. Et là, je vais présenter en fait une on va dire une version alpha du truc quoi. C'est pas terminé, les équalisations, la gestion des volumes, elle est pas encore top, mais je pense que c'est assez intéressant de le passer pour montrer un peu aussi. Tu vas peut-être nous sculpter ça Bah je vais un peu le travailler en live maintenant, donc oui. D'accord. Voilà, et si jamais ça s'appelle Badala Mendes. Badala Mendes. Voilà. Donc Badala Men et Death. Donc là, c'est par contre, c'est pas du Overload Collapse. Alors là, non, ça c'est mon projet donc solo, trois petits points. D'accord. Voilà. Donc je travaille pas mal dans le même principe qu'Overload Collapse, mais à la différence que je travaille ça plus comme la musique concrète, donc vraiment à l'oreille, au son. Je vais pas me limiter à une espèce de version tonale ou même d'essayer de partitionner tout ça. J'essaie vraiment de travailler sur un principe d'astructuration, mais dans ce cas-là, je vais aller à l'encontre de ce que je viens de dire et je n'en dirai pas plus. D'accord. Donc je pense que je peux lancer peut-être. Nous t'écoutons. We'll be right back. je ne dirai que trois petits points, quoi. Donc la version alpha de Badala Mendes. Et t'es content là, t'as trouvé un peu des écolisations qui te plaisaient. Ouais, bah là ça va, j'ai une petite idée tout d'un coup. J'avais de la peine pour terminer le morceau, mais c'est bien, ça m'a donné une idée. C'est bien quand Epsilonia et Radio Libertaire devient un laboratoire, un studio comme ça. Tu viens, c'est, tu travailles. C'est l'atmosphère parisienne aussi, avec le lieu qui est très beau. Alors du coup, on se sent comme à la maison. Super. Il y a Yann, j'ai l'impression qu'il est prêt. Alors, je vais essayer de bien prononcer. Tokage. Quelqu'un peut me donner la signification de Tokage, s'il y en a? Lézard. Lézard. Lézard. En japonais, j'imagine. Ouais. C'est à toi, Yann, quand tu veux. Tokage. Tokage. Tokage. Tokage. Tokage. Ouais. Yann, bravo et rejoins-nous parce que moi j'ai des questions à te poser. Autant avec avec vous. En plus c'est sec, hein. Je m'excuse mais comme ça juste après le live à froid. Non mais je vais discuter avec je discute avec Nicolas. Je dis autant autant vous deux Overlord Collapse on était avec dans une installation assez simple, en tout cas pour ce soir. Oui. C'est-à-dire juste deux micro-ordinateurs. Bah, c'est aussi ça qui fait que le projet Wake Up, il était intéressant à faire ensemble, c'est qu'il y a, que l'on joue ensemble ou que l'on joue séparément, il y a un contraste qui se crée entre nous, ne serait-ce que par la manière dont c'est produit, quoi. Et nous, on a peut-être tout intériorisé dans un patch. Ce que Yann a en vrai, mais il en parlera mieux que moi. Ça y est, il émerge, Yann. Oui, entre l'installation et le gros bordel. Là, si tu peux parler en face du micro, face. S'il te plaît. Voilà. Tu es pas en face, voilà, donc, en face du Nico, en face du micro. Ouais. Voilà. Donc, là, en fait, c'est marrant, c'est tout ton. Je décris un peu parce que on a la radio. S'il y a beaucoup d'analogiques, beaucoup de pédales, beaucoup de câbles. Mmh. Il y a une espèce de vieille table en fait. Une vieille table saturée sur elle-même. Sur elle-même, qui est renvoyée dans une autre table. Voilà. Et avant les pédales, il y a quoi ? Avant, il y a surtout du souffle. Du souffle. Du souffle. Qui est généré par ? Par les pédales elles-mêmes. D'accord. Ouais. J'ai cru voir d'autres appareils. Il y a un autre multi-effet, le Chaospad. D'accord. Et puis du petit bout de bidouillage électronique. D'accord. Tu joues sur en fait le grand, en fait, tu joues sur la terre, en fait, sur le résidu que tu recycles, en fait. Ouais. Le résidu magnétique ou du souffle. D'accord. Ouais. Et tu trouves différents matériaux, en fait, à chaque fois tu transformes, tu. Ouais. Voilà. Que je configure différemment, puis j'essaye, puis on regarde ce que ça donne. D'accord. C'est-à-dire à chaque live, t'arrives avec ton patch, je veux dire, de pédale dans la tête, ou tu te fais des dessins. Moi, je sais que je fais des dessins. Alors, c'est souvent un petit dessin qui commence gentiment. J'en ai plein qui traînent chez moi, en fait, des dessins. Ouais. Comme ça, des petits croquis, et puis après, on essaye de les matérialiser et d'essayer en live le plus possible. C'est-à-dire que tu changes, par exemple, là, demain au Grand Zero, tu vas pas jouer forcément avec cette configuration, quoi, avec cette logique de, quoi, dans ce sens-là, en fait, tu vas peut-être mettre ta pédale. Il y aura peut-être un autre ordre de pédale, des petits rajouts, pourquoi pas un peu d'acoustique, des autres directions dans le son. Et, d'accord. Ouais. Tu utilises différentes sorties, en fait. J'imagine que c'est certaines pédales qui ont des sorties stéréo, qui sont dry, qui sont. Elles sont toujours mono, et puis des fois je les split dans une autre configuration. D'accord. Ouais. Tu te fais des, comme ça, des chemins analogiques. La grosse salade de spaghetti, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, c'était très dur de s'entendre. C'est vrai ? Ouais. C'était pas assez fort. Pour ton retour. Ouais. Même avec le casque, c'était. Non, c'était différent. Alors. Écoute, pour nous, c'était bien. Alors, peut-être parce que tu étais. Je décris aussi la situation pour nos auditeurs. C'est oui. Parce que tu étais par terre. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop la place pour. Les pieds nus, hein. Les pieds nus en plus. Voilà. Donc vraiment, t'es la terre, voilà. Mmh. Tu joues avec la terre et pieds nus, à même le sol, bravo. Merci. Je crois que Nico aussi a quelque chose de nous faire écouter un autre morceau. Ah bon ? À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait quelque chose à dire, ou à finir, ou à faire, ou... Ouais, moi j'aimerais dire bonjour à ma grand-maman. Qui n'écoute sûrement pas, mais c'est pas grave. La tournée, elle s'arrête en Suisse. En Japon. Ouais, en fait, justement, c'est ça qui est drôle, c'est que la première date, c'est donc ce soir, et la dernière, c'est donc le 29, et c'était les deux dates qui ont initié tout le mouvement de la tournée. D'accord. Donc c'est assez sympa, on a pu combler les trous comme ça entre deux. Après, il y a des dates qu'on n'a pas réussi à voir, il y a des dates qu'on a eues. Tu peux pas me dire que tu veux me parler de Paris encore. J'essaie de trouver des lives à Paris. C'est vrai qu'on a bien galéré pour trouver une date à Paris. Et d'ailleurs, on l'a pas trouvé. Voilà. Donc, on a trouvé un refuge, un asile politique à Lyon. Qui a trouvé un compromis entre le cinéma et la noise. Donc, Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que vous proposez, une soirée, quoi. Je veux dire, c'est complet, quoi. Il y a du son, il y a de l'image. Voilà. Il y a plusieurs lives. Oui. Il y a plein de choses qui se passent, quoi. C'est, maintenant, dire pour un programmateur, c'est, Peut-être que notre MySpace est mal fait, parce qu'on, bien sûr, on est sur MySpace, hein, on est flemmard. Je te rassure. mais je sais pas. Non, mais après, c'est vrai, c'est... Ah, on aime bien Rupert Murdoch et lui donner un peu d'argent. Bon, on essaie de soutenir comme on peut le capitalisme sauvage, quoi, parce que avec la récession, c'est pas facile. Je veux dire... Avant ce Wake Up Tour, donc ce soir vous êtes à Paris, demain vous jouez à Lyon et après vous passez quelques jours à Tokyo, vous faites au moins 4 concerts là-bas. Avant cette tournée, cette expérience-là, il y a eu pas mal de choses en Suisse, mais vous avez voyagé dans d'autres pays. Ou c'est le tout début, l'aventure a combien de temps en fait? Ok, alors bon, je vais parler pour moi vu que je parle pour le moment et puis j'aime bien ça. Alors moi personnellement, ça fait depuis donc 4 ans qu'on a créé le label avec Nico ici, et on a donc beaucoup travaillé en faisant des mini CD et chercher beaucoup de live, et on a eu la chance en Suisse de trouver quand même pas mal de dates, étonnamment pour un petit pays. Et puis moi personnellement, depuis une année maintenant, j'ai joué au Japon, j'ai joué en France, en Allemagne, donc j'ai pas mal, je commence un petit peu à tourner, donc je vise bientôt l'outre-Atlantique. Et puis voilà, donc ça c'est un peu pour ma part personnelle. Et puis sinon, pour la petite... Quand tu dis tourner, c'était, je sais pas, c'était dans des musées ou dans des squats, dans des cadres associatifs? Non, alors je pense, moi je, personnellement, avec mon ordinateur portable, en tout cas au Japon, où les musiciens sont très ouverts à inviter d'autres musiciens à jouer des jams, j'avais l'impression d'être un trompettiste, c'est-à-dire qu'on m'invitait spontanément à rejoindre un groupe le lendemain. Et chaque soirée où je jouais, je rencontrais des gens qui me proposaient de revenir le lendemain jouer avec eux, des gens que je connaissais pas forcément, et c'est assez intéressant, je pense, en tant que musicien. Y a aussi le défi de pouvoir se coller, de pouvoir jouer avec d'autres personnes sans forcément se connaître, selon les règles de la musique. Voilà. Ça soit au feeling ou tu as des dates et puis en cours de... Comment ça se passait? Là aussi pareil, tu avais des points d'ancrage et puis après tu... Alors non, en fait, moi j'y vais on y va au culot parce qu'on connaît personne. Moi je sors du conservatoire mais j'avais pas d'amis, donc j'étais tout seul. Une enfance triste, un hiver très long. Et donc après m'être relevé donc de cette crise qui a pris 25 ans. Non, alors plus sérieusement, non, en fait, à l'heure actuelle, on paye nous-mêmes pour les voyages, c'est-à-dire que, en l'occurrence, j'appelle des salles. Je comprends pas, tu trouves pas de salles alors que tu donnes de l'argent au programmateur. Presque. Non, je donne de l'argent aux compagnies aériennes qui m'amènent près du programmateur. Achètes, en fait. Mais c'est vrai que là, généralement, je décide de là où je veux aller. Donc, en l'occurrence, par exemple, Tokyo, pour parler du Japon. Et après, j'envoie à absolument toutes les salles, que ce soit un club ou un squat ou un musée ou une galerie d'art, et puis je leur envoie un mail. Et un autre. Et petit à petit, y en a un qui, peut-être sur un malentendu, qui en avait marre, il décide de me prendre. Et une chose entraînant une autre, les gens m'invitent à d'autres soirées. Mais le Japon, quand même, c'est... Comme ça, a priori, pour nous ici, c'est moins facile de trouver des dates. Il y a une histoire avec le Japon. Alors, oui, par rapport à nos influences personnelles et puis par rapport aussi au fait que la scène japonaise, elle est très dense depuis toujours en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les artistes là-bas n'ont pas l'intérêt financier. Je trouve que chez nous, on a beaucoup tendance, donc quand je dis chez nous, c'est en Suisse, en France, la plupart des musiciens que je rencontre sur dans le circuit musique indépendante ont souvent des propos assez j'ai envie d'être payé, moi je me déplace pas si j'ai pas tant d'argent. Donc ils oublient cette spontanéité de la musique et nous on défend vraiment cette vision de dire on est des performeurs, on est des artistes, on crée de la musique pour le plaisir de donner du plaisir aux gens et notre propre plaisir. Et au-delà de ça, si un gain financier peut venir s'y inscrire, tant mieux, ça me permet de manger des pâtes et un peu de sauce. Ça reste une passion. Mais ça reste une passion et il est hors de question que l'argent prenne le pas sur ça, quoi. Donc voilà, et le Japon c'est génial parce que là-bas justement il y a pas le système cachet, il y a pas le système mais c'est souvent aux entrées, donc voilà, on prend le risque d'aller dans une soirée, il peut y avoir 3 personnes comme peut-être 150. Que ce soit le bide financier. Exactement, je pense qu'énormément de musiciens connaissent ce cas de figure. Et puis voilà. Et puis ben voilà, on essaie de tisser petit à petit un réseau de connaissances voilà, parce qu'il n'y a que le bouche à oreille qui marche. Et puis, on a aussi fait un truc assez cool avec Fréquence Banane, c'est le broadcast. Oui, ouais. Le live broadcast, donc moi, Nico, ici, et jouer depuis pas loin de San Francisco, pendant que l'autre Nico, là, jouait... Depuis Tokyo. Et ça passait à la radio, en radio pirate à Lausanne. Et aussi sur la radio... Non, en fait, c'était pas dans le cadre d'une radio pirate, je mens. C'était sur Fréquence Banane, la radio de l'université de Lausanne. Donc en FM. Qui est malheureusement plus que un mois par année en FM, suite aux nouvelles lois de l'OFCOM. Alors je profite d'être sur la radio française pour dire que l'OFCOM, c'est des connards. Mais parce que le statut de... Ah, trop tard. Non, parce qu'ils profitent quand même enfin ils empêchent les radios associatives de faire leur petit business alors que il y a aucun gain financier et c'est dommage. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on programme aussi des soirées en Suisse qui s'appellent les Nocturnes Made One Shot. Donc ça fait 3 ans qu'on programme ça. C'est des soirées itinérantes, donc elles peuvent se passer n'importe où du moment que les gens nous acceptent. Le problème, c'est qu'ils nous acceptent une fois, pas deux. Donc on se retrouve très vite limité dans les salles. Mais sinon, en général, donc c'est dans ces cadres-là qu'on a l'occasion de jouer avec toute l'équipe qui est dans la salle. Dans ces soirées et autres, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ces soirées-là. Mais ça, c'est pour parler de nous, parce qu'on parle que de nous. Ah, vous êtes là pour ça, hein. Moi, je... Merci, moi. D'ailleurs. Sympa. Ouais. On écoute encore un petit peu de musique de votre cru. Juste que je vais avec les volumes, parce que je ne suis pas sûr. Hein. On remonte les volumes de la table. Ah, oui, moi aussi, je remonte. Mais bon, enfin, alors, donc, quelques petits réglages au sein des studios. Vous savez que vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40, que sur notre site epsilonia.free.fr, eh bien, vous pouvez, par exemple, télécharger la dernière émission, une des dernières émissions où il y avait le déficit des années antérieures, qui était invité, c'était il y a un mois. Vous avez l'intégrale sur notre site epsilonia.free.fr. Donc voilà, j'entends du son qui arrive jusqu'à moi. Peut-être juste un petit commentaire pour nous présenter ce qu'on va écouter. Pour lancer. Nico, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Alors là, c'est Dead Alive. C'est un morceau que j'ai fait en fait en... je joue vachement sur tous les films un peu pourris qui passent à 3h du mat et TCM, ce genre de trucs. Et je branche en général, pardon, je cite. Oups. Oui, bah, c'est du série Z, quoi. Ouais, donc ça va, ouais, tiens. Et en fait, j'aime bien improviser, genre je vois un film et je me branche direct sur la télé et je prends le son et je commence à faire des boucles avec mes deux petits samplers que je ne citerai pas. C'est bien ça. Accueil. Voilà, il vient. Et en fait, j'aime bien jouer en live avec juste le bouton du mute et je me laisse un peu aller avec voilà les sons qui viennent du film. Et en général, j'en prends un et après j'en prends un autre et je les mélange ensuite. Et voilà, ça donne ça. Et c'est quoi la marque de ta télé? Ah, c'est quoi? La marque de ta télé. Bim. Voilà, nous revoici en direct à l'antenne sur les ondes de Radio Libertaire 89.4 en FM sur Paris et sa région. Évidemment, vous pouvez nous écouter via le net. Et pour ça, bah, par exemple, le streaming, vous le trouvez sur les www.fédération-anarchiste.org. À cette adresse, vous trouvez le streaming pour écouter Radio Libertaire. Et puis les infos et les grilles, la grille de toutes les émissions de Radio Libertaire. Ou sinon sur epsilonia.free.fr aussi, c'est rapide aussi. Voilà. Voilà. Alors arrive le moment où on va se dire au revoir. On vous remercie beaucoup d'être passé nous voir tous ce soir. On vous souhaite un bon vent. Donc déjà demain vous allez à Lyon. On peut peut-être redire l'adresse. Oui, alors c'est au Grand Zero, donc grrrnd0.org. Et c'est une soirée donc Cine & Noise avec des performances Super 8 et 16 mm et donc de la musique par-dessus et différents groupes. Malheureusement, je ne les ai pas tous en tête, donc je ne les citerai pas. Ah, il n'y a pas que vous demain. Non, il y a apparemment trois autres groupes qui jouent. Mais je n'ai pas les noms en tête, je suis désolé. Tu peux. Mais sur le site internet de Ground Zero, toutes les infos.org, toutes les infos y sont. Voilà. On rappelle peut-être brièvement, ça vous en souvenez, vos différents contacts, vos différentes adresses. Vous n'avez pas de site parce que vous êtes des gros feignants, mais vous avez des MySpace parce que c'est pas compliqué. Peut-être. Voilà, MySpace / Overload Collapse, bien sûr. Ouais, OverloadCollapse. Plus rapidement, peut-être. Ouais. J'ai pas entendu. Moi. Ouais, les gens sont C'est Tokage que c'est plus compliqué parce que c'est pas Tokage. C'est donc myspace.com/greengoku. Donc GREENGOKU. Voilà. En fait, c'est en ligne depuis la page MySpace voilà. Epsilonia. Mais comme on l'a dit, on adore Rupert Murdoch. Hein. C'est un mec génial. Bravo sur ces. Sur des déclarations pareilles, on vous reverra. C'était aussi à remercier Chuck Norris, oui, ouais. Qui nous a fait tant rire cette année. Non, on est très américanisé un peu comme ça, on aime bien. Ah, vous avez le look. Hein. Oui, ouais. D'ailleurs, l'année prochaine, je pense qu'on va... Mais oui, yes, rire. We can, et nous y arriverons. Bon, merci encore à vous cinq d'être venus nous voir et puis un bon wake-up tour. Merci à vous, merci. On va repartir en musique en Italie avec Dimension X, c'est sorti chez KLM Recordings. C'est leur premier album, donc un trio avec David Chalmin. Il y a également Massimo Pupillo qui est notamment membre de Zoo en Italie à la basse. Et puis le batteur, c'est Chris Corsano. Chris Corsano, pour tout vous dire, ses prochaines dates de concert, ça sera avec Jim Rourke ou encore Evan Parker. On écoute maintenant Dimension X chez KLM Recordings. It was in the year 1991 that man disappeared from the face of the earth. The third atomic war had ended at last, leaving the land a mass of red radioactive dust. The instant of civilization, in the year of our Lord, 4195 AD, that we take you now. Maybe I was wrong. against your belly is the muzzle of a 45 caliber pistol. Now, shall we visit Junior? What do you know about this? I know everything. Thank you.

strangely enough, it did sound almost human. Voilà, c'était donc deux extraits de cet album sorti chez KLM Recordings de Dimension X, qui sont passés en France dans le cadre du festival Sonic Protest pour donc faire quelques concerts en France et puis en Italie pour la sortie de ce premier album qui n'a pas de nom. Maintenant, Xavier, t'es à l'antenne, mon grand. Ah, pardon. Xavier, on va écouter Gol. C'est une nouveauté. C'est sorti un double vinyle chez Batterie Faible. Le nom de la compilation, c'est Batterie Faible, et c'est sur 4 Nina Bis, un label de Toulouse. Et c'est récent, c'est juste de sortir il y a un mois, et je vous conseille de l'écouter. Voilà. Alors sur ce double vinyle, il y a Eric Mikinen, il y a Vincent Eplay, il y a Ultra Mic Med, Electronicat, il y a dis-moi si je dis pas de bêtises, dis-moi, t'as la pochette sous les yeux. Oui, la pochette, ça va être plus facile. Il y a moins de vingtaine de noms. Oui, enfin, on va pas citer tout le monde, mais. Les premiers qui passent. Les premiers qui passent, Vincent Eplay, Gol, King Kong, Evol, Electronic Cat, Régnier Le Ricollet, qu'on a écouté la semaine passée dans cette émission, Raphaël Bernado, les Ultra Mil Megs avec Harris Pilton, Ultra Libéral, Christian Viala. Tu les dis tous, en fait. Voilà, j'ai dit. Et donc, ça s'appelle Batterie Faible. La pochette est très, très marrante. C'est un vieux papy avec son téléphone, une très, très jolie photo. C'est le gros avantage des beaux vinyles, c'est que ça donne des très belles images. Et un double, en plus. Et un double vinyle. Donc, on écoute le titre de Gol, c'est Gol Bastards. Ouais. Et c'est maintenant, donc, sur les ondes de Radio Liberté. Gol Bastards. Thank you.